Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, donc tous les troisièmes lundis du mois, c'est la jungle des luttes, le programme du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc vous pouvez nous retrouver donc en direct et de 19h à 20h30 et retransmis le jeudi matin de 8h à 9h30. Vous pouvez également consulter le blog La jungle des luttes, retrouver les programmes également, donc tous les anciens programmes et les programmes récents également. En général, on le fait plus ou moins régulièrement et rapidement après le programme. Et donc aujourd'hui, on va parler des apatistes, on va parler de ce qui se passe dans l'isthme, on va parler aussi de ce qui se passe, enfin, dans l'isthme de Tehuantepec à Oaxaca, qui est donc au Mexique, ces deux États du Mexique. Et donc on va ensuite parler avec Annette de ce qu'ils ont fait. Là, aujourd'hui, c'est des gens de France qui ont fait une tournée, qui sont allés à la rencontre de gens qui luttent dans les milieux ruraux, si on peut dire, dans le sud de la France essentiellement. Donc ça, ce sera pour la dernière demi-heure. Et donc, on va également commencer aussi le programme par un conte. Donc, c'est des récits du sous-commandant Marcos. Donc, il y a eu plusieurs contes qui ont été écrits tout au cours de ces années. Donc, voilà, aujourd'hui, on va en écouter un. Donc, on vous rappelle que c'est un livre qui s'appelle Contrebelle, qui est disponible via le CSPCL, mais aussi dans tout plein d'autres librairies. Et donc, voilà, il y a 12 contes qui sont dits par différentes personnes. Et donc, celui qu'on va écouter, c'est Durito et la vitre pour voir de l'autre côté, lu par Detka Balslammer. Mais avant, je vais vous rappeler quand même juste que samedi prochain, il y aura la journée distribution café, donc le café Rebelle et Zapatistes, qui est distribué par Échange Solidaire. Et donc tous les ans, il y a une journée distribution où on fait des projections de films. Il y a aussi des ventes d'artisanat. Il y a d'autres tables, il n'y a pas que de l'artisanat zapatiste. En général, il y a le CSIA qui est avec nous, donc le Comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique. Il y a aussi entre ici et là-bas qui vend du savon et de l'huile d'olive palestinienne. Et avant, il y avait Atanka. Là, je crois que cette année, ils vont pas être là avec nous, qui vont distribuer des produits bio et paysans. Mais donc, vous pouvez toujours rencontrer Atanka via son site. Et puis, voilà, vous avez rendez-vous au CICP samedi prochain de 14h à 20h. Et on commence donc avec un petit conte rebelle. Avec, comme d'habitude, quand même un petit morceau de musique. We'll be right back. 6.3 FPP, Fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur, la jungle des luttes, le programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte comme tous les troisièmes lundis du mois. Et donc on va parler des apathies, on est un petit peu fatigué, c'était quand même hier le concert au CICP, donc on remercie justement le groupe Cartouche et Inner Terrestrials qui ont donc joué hier soir. C'était une soirée fort sympathique. Il y avait plein de monde, c'était sympa pour commencer la rentrée. Du coup, voilà, c'est le programme aussi de la rentrée. Donc, on avait envie de parler des apatistes, d'autant que la situation, vous avez peut-être eu l'occasion d'en entendre parler il y a déjà plusieurs mois, est toujours aussi complexe, violente. Et donc, en même temps, les apatistes sont toujours aussi innovants et plein d'initiatives. Donc, on a envie d'en parler. On a aussi donc envie de vous faire partager la lecture du conte des deux cabales, du rito et la vide pour voir de l'autre côté. Donc c'est je l'ai peut-être pas spécifié, en fait les contes c'est un ouvrage livre CD, donc CD en MP3, donc voilà, vous avez à la fois la possibilité de lire et d'écouter aussi, et puis il y a des petites illustrations. Voilà, donc on écoute et on se retrouve ensuite pour continuer de parler des apatistes. Pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas, c'est donc des groupes d'indigènes paysans qui se sont soulevés en 94 et qui ont déclaré la guerre à l'État et qui donc avaient une armée, le ZLN, dont le chef est le fameux sous-commandant Marcos, aujourd'hui qui n'est plus le sous-commandant Marcos. On aura justement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Petit matin, ville de Mexico. Dorito déambule dans les rues autour du Zocalo, avec un petit imperméable et un chapeau posé à la façon d'Humphrey Bogart dans Casablanca. Dorito entend passer inaperçu. L'accoutrement n'est pas nécessaire, pas plus que la lente démarche de Dorito collée aux ombres qui s'échappent des vitrines illuminées. Ombre de l'ombre, progression silencieuse, chapeau bien calé, imperméable qui traîne. Dorito marche dans le petit matin de la ville de Mexico. Personne ne l'aperçoit. Il ne le voit pas. Non pas qu'il soit bien déguisé, ni parce que cette petite silhouette, quichotte miniature, grimée en détective des années 50, se distingue à peine des tas d'ordures. Dorito marche parmi les papiers traînés par tous les pieds ou emportés par une rafale de ces vents imprévisibles des petits matins du district fédéral. Personne ne voit Dorito pour la simple raison que dans cette ville, personne ne voit personne. Cette ville est malade, m'écrit Dorito, malade de solitude et de peur. C'est une grande collectivité de solitude. C'est beaucoup de villes, une pour chacun de ceux qui l'habitent. Il ne s'agit pas d'une somme d'angoisse. Connais-tu une solitude qui ne soit pas angoissante, mais d'une exponentielle? Chaque solitude se multiplie par le nombre de solitudes qui l'entourent. C'est comme si la solitude de chacun se mettait dans une de ces maisons au miroir qu'on trouve dans les foires de province. Chaque solitude est un miroir qui reflète l'autre solitude qui, miroir aussi, renvoie des solitudes. Dorito a commencé à se rendre compte qu'il est en terrain adverse, qu'à la ville, il n'est pas à sa place. Dans son cœur et dans ce petit matin, Dorito fait ses valises. Il effectue ce trajet comme si c'était un compte à rebours. Une dernière caresse, comme celle de l'amant qui sait qu'il faut se quitter. Par moments, le va-et-vient des gens diminue et on entend le ululement des patrouilles qui effraient les étrangers. Et Dorito est l'un de ces étrangers. Alors il s'arrête dans un coin, à chaque fois que les clignotements rouges et bleus passent dans la rue. Dorito profite de la complicité d'une entrée d'immeuble pour allumer sa pipe, suivant la technique du guerriero. À peine une étincelle, une aspiration profonde, et la fumée enrobe regard et visage. Dorito s'arrête. Il voit et regarde. En face, une vitrine reste illuminée. Hippolyto s'en approche pour regarder la grande vitre et ce qui s'offre derrière. Des miroirs de toutes formes et de toutes dimensions, figurines de porcelaine, de verre, de cristal, boîtes à musique. Pas de boîte parlante, se dit Hippolyto. Sans oublier les longues années passées dans la jungle du sud-est mexicain. Hippolyto est venu prendre congé de Mexico et il a décidé de faire un cadeau à cette ville que tous renient et que personne n'abandonne. Un cadeau. Tel est Hippolyto, scarabée de la jungle Lacandon, au centre de la ville de Mexico. C'est par un cadeau que Hippolyto prend congé. Il effectue un élégant geste de magicien. Tout s'arrête. Les lumières s'éteignent, comme le font les bougies, lorsqu'un vent lent leur lèche le visage. Un autre geste, et une lumière, comme celle d'un projecteur, éclaire l'une des petites boîtes à musique de la vitrine. Une ballerine au doux costume lilas conserve une position éternelle, les mains entrelacées en l'air, les jambes jointes en équilibre sur la pointe des pieds. Hippolyto tente d'imiter sa position, mais il ne met pas longtemps à emmêler ses bras trop nombreux. Encore un geste magique, et voilà un piano de la taille d'un paquet de cigarettes. Hippolyto s'assied devant le piano et pose sur le couvercle une chope de bière. Allez savoir où il l'a trouvée, mais ça doit faire un moment, parce qu'il n'en reste déjà que la moitié. Hippolyto fait craquer ses doigts et imite une de ses gymnastiques digitales propres aux pianistes de bar dans les films. Hippolyto se tourne vers la ballerine et penche la tête. La danseuse s'anime et exécute une révérence. Hippolyto fredonne un air inconnu, démarre un tempo de ses petites pattes, ferme les yeux et se met à se balancer. Les premières notes s'élèvent. Hippolyto joue à quatre mains. De l'autre côté de la vitre, la ballerine entreprend un tour et un lent lever de la cuisse droite. Hippolyto se penche sur le clavier et attaque furieusement. La ballerine exécute les meilleures figures que lui permet la prison de sa boîte à musique. La ville s'efface. Il n'y a plus que Hippolyto à son piano et la ballerine dans sa boîte à musique. Hippolyto joue et la ballerine danse. La ville est étonnée. Ses joues rougissent comme lorsqu'on reçoit un cadeau inattendu. Surprise agréable, une bonne nouvelle. Hippolyto lui offre le plus beau de ses cadeaux. Un miroir incassable et éternel. Un adieu qui ne fait pas mal, qui soulage, qui lave. Le spectacle ne dure que quelques instants. Les dernières notes s'éteignent à mesure que se reconstituent les villes qui peuplent cette ville. La ballerine retourne à son inconfortable immobilité. Hippolyto remonte le col de son imperméable et fait une douce révérence vers la vitrine. Seras-tu toujours de l'autre côté de la vitre ? Lui demande et se demande Hippolyto. Seras-tu toujours de ce côté-là de mon ici et moi de ce côté-ci de ton là-bas ? Salut. Et à jamais, ma chère râleuse. Le bonheur est comme les cadeaux. Il dure le temps d'un éclair. Et il en vaut la peine. Hippolyto traverse la rue, rajuste son chapeau et se remet à marcher. Avant de passer le coin, il se retourne vers la vitrine. Un trou, comme une étoile, orne la vitre. Les alarmes sonnent en vain. Derrière la vitrine, la ballerine de la boîte à musique n'est plus là. Cette ville est malade. Lorsque sa maladie entrera en crise, ce sera sa guérison. Cette solitude collective, multipliée par millions et exponentielle, finira par se trouver et trouver la raison de son impuissance. Alors, et seulement alors, cette ville perdra le gris qui la revêt. Elle se parera de ces rubans de couleur qui abondent en province. Cette ville vit un jeu cruel de miroirs. Mais le jeu de miroirs est inutile et stérile s'il n'y a pas de vitre pour objectif. Il suffit de le comprendre et, comme l'a dit je ne sais qui, de lutter et commencer à être heureux. Je rentre. Je prépare le tabac et l'insomnie. Il y a beaucoup de choses à te raconter, Sancho. Fini, Turito. Le jour se lève. Quelques notes de piano accompagnent le jour qui vient. Et Turito qui s'en va. À l'Orient, le soleil est comme une pierre qui brise la vitre du matin. Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes. Donc on continue. Vous avez donc écouté un texte lu par le slammer des deux cabales. C'était le titre du rito et la vitre pour voir de l'autre côté. De façon de rendre hommage au sous-commando Marcos qui n'est plus, donc comme je vous disais, puisque effectivement les apatistes, quand on parle des apatistes, on a souvent besoin, pour les gens qui connaissent pas, d'évoquer l'existence de ce personnage qui effectivement est celui qui a permis de justement être un pont entre le monde indigène et puis le monde extérieur, puisque lui, il avait donc eu une vie à l'extérieur du Chiapas et qui est arrivé en tant que guerriero caché dans les montagnes et a rencontré donc les indigènes et ils se sont organisés pour la défense contre les grands propriétaires, puis finalement organisé pour déclarer la guerre. Ce qu'ils ont fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, le 1er janvier 1994, et de là, il y a tout un processus qui a été mis en place. Et on va pas refaire l'historique, il y a 20 ans, on a fêté leurs 20 ans en tous les cas. Ce qui a été essentiel et qui le reste depuis 20 ans, c'est l'idée de pouvoir s'autogouverner, de décider pour soi-même et d'éviter de prendre le pouvoir. C'est bien pour ça qu'ils ont été aussi les premiers à tenter autre chose, c'est-à-dire pas forcément de se battre pour le pouvoir, mais de changer les choses depuis là où chacun est. Donc invite les apatistes depuis toujours, ils invitent les Mexicains. Dans un premier temps, ça a été la réalité d'inviter les Mexicains sur le terrain à les joindre pour lutter contre l'État et contre le système capitaliste notamment, mais enfin le système en général. Mais donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont dans un processus de lutte et l'idée c'est quand même de pouvoir tous s'organiser à notre niveau là où on est. Et donc voilà, les apatistes construisent justement l'autonomie à notre monde depuis le Chiapas. Il y a d'autres communautés dans le Mexique et il y a d'autres luttes, il y a énormément de luttes contre des projets capitalistes et donc des organisations au niveau des communautés. Il y a des radios communautaires qui se font le relais. Donc c'est quand même aussi important de défendre ces outils-là qu'on peut avoir, comme FEP qu'il faudrait pouvoir défendre, même si c'est pas une radio communautaire. Faudrait en tous les cas, le peu d'outils qu'on a, c'est en tous les cas essayer d'en profiter, de les défendre. Et donc justement, on va avoir l'occasion de parler de tout ça. tout à l'heure avec des émissions en fait de radio qui ont été faites. Donc on fait tourner les programmes de radio qui sont des programmes locaux. Donc on va avoir l'occasion justement d'écouter une partie du programme qui a été fait Radio Kehuelga, une radio à Mexico, faite en français. Dirigée précisément à ceux qui parlent français là-bas. Donc on en a profité pour, puisqu'elle nous l'a envoyé, on fait un LCTL sur place en tant que média libre dans lors de l'hommage qui a été fait à Galeano, puisque précisément dans tout ce processus de lutte, les apatistes ont subi évidemment des violences de la part de l'État, des paramilitaires, de manière générale un anti-zapatisme, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont solidaires, des gens aussi à l'étranger comme nous par exemple, et donc les zapatistes ont subi plusieurs attaques et dernièrement une très forte attaque à la Realidad, à la communauté de la Realidad, là où il y a le siège des autorités des communauté de cette zone. Donc il y a eu des attaques de paramilitaires et un mort et des blessés, et puis la destruction d'une école, d'une clinique, on en a déjà parlé. Et donc il y a eu un hommage à cet homme Galeano, et donc c'est justement ce petit extrait qu'on va passer, puisque les filles étaient là-bas en tant que médias libres pour Kehuelga. À cette occasion justement, les autres médias n'étaient pas invités. Et donc, on les écoute. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment hyper émouvant et c'était très beau, malgré l'ambiance un peu... malgré les faits un peu tristes. Du coup, quand on est arrivé, on a pu observer, je sais pas, être spectateur, mieux, de l'hommage. Et c'était quelque chose... Ben, du coup, oui, il y avait les zapatistes qui étaient les bases d'appui zapatiste qui avaient été rejoints par l'armée zapatiste, et du coup ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de gens très soudés et des discours fous et très impressionnants, et nous petits médias libres au milieu. Et c'était fort, et en même temps ça a été un peu drôle, parce qu'en fait du coup il y avait toute une donc on est arrivé nous dans la communauté, on a dû du coup s'enregistrer pour pouvoir rentrer, parce que n'importe qui pouvait donc pas rentrer dans le caracol, s'identifier, ouais, donner notre nom, d'où on venait, avec qui on venait, donner enfin voilà, expliquer un peu d'où on venait pour qu'ils soient sûrs que qu'on soit pas un peu des infiltrés, etc. Et donc on a fini par rentrer, et donc comme avec les médias libres, on essaye un peu de savoir comment on va pouvoir faire, où est-ce qu'on va pouvoir mettre les micros, où est-ce qu'on va pouvoir mettre les caméras, et parce qu'on savait pas du tout ce qui allait se passer. Et au final on a un peu demandé à un commandant qui est très connu depuis le lèvement zapatiste, qui s'appelle Comandante Tacho. Et donc on lui demande, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, expliquez-nous, enfin voilà, où est-ce qu'on peut mettre les micros, enfin comment on va faire, et lui, non, enfin, bah, écrivez-moi sur un papier ce que vous voulez, puis je vous dis quoi. Du coup on écrit tout sur un papier, et puis après on le retrouve, on lui donne, et il nous dit, bon bah alors ça non, ça non, ça non plus, ça non plus, vous verrez bien en gros quoi, enfin, c'est bon. Du coup ça a été une surprise, enfin ouais. Peut-être pas une surprise, mais en tout cas une découverte du début à la fin, en fait. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, où la fin de la journée où Marcos a annoncé la mort de son personnage médiatique. La fin du jour suivant, où on a pu discuter avec certaines personnes de la communauté. Ouais, bah la maman, justement. La maman du compa Galeano, qui est donc mort le 2 mai dernier. Et du coup, moi j'ai trouvé que c'était un moment... de découverte du début à la fin, vraiment. Oui, parce qu'en fait c'était une grosse mise en scène. Enfin, ils ont sorti le gros spectacle un peu pour rendre hommage à ces personnes qui étaient personnages qui étaient morts, parce que alors on l'a pas dit parce que c'était aussi un professeur dans la Escolita qui a commencé à être organisé en 2013 et qui donc c'est une Escolita qui a été organisée par les Zapatistes pour donner un peu des cours sur la liberté selon les Zapatistes. Et donc c'était une personne qui avait été professeur dans l'école et qui avait été aussi ce qu'on appelle botan. C'était les personnes qui étaient un peu les gardiennes des gens qui étaient présents à l'école, qui donc, du coup qui n'étaient pas zapatistes, pour qui était donc à la fois son gardien et à la fois la personne qui était là pour répondre aux questions qu'elle pouvait avoir sur comment ça fonctionne, c'est quoi les zapatistes, enfin tous les doutes que la personne pouvait avoir. Donc c'était une personne qui avait été assez importante, surtout ces derniers temps, et c'est pour ça aussi qu'on dit que cette attaque, c'était aussi une attaque directe à la petite école zapatiste. Et donc ils ont fait un grand show, où on peut peut-être raconter un peu comment ça s'est passé, ou tout. Donc il y a un peu une musique qui a commencé à être lancée. Tous les zapatistes se sont rassemblés un petit peu au milieu d'une place, parce que donc il y avait une espèce de place où il y avait un terrain de basket dans le caracol. Donc tous les zapatistes qui étaient présents se sont rassemblés donc avec leur fameuse cagoule qu'on appelle Pasa Montañez. Et il y avait autour d'eux les personnes de l'armée zapatiste donc qui les entouraient. Ce qui faisait que nous, on pouvait pas passer. C'était très symbolique, pardon. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était, qu'il y avait beaucoup de choses très symboliques, notamment, par exemple, le port de ce, je connais pas, en fait, le mot en français. C'est le bandeau qui cache un œil. Le bandeau de pirate. Ouais, un peu, bandeau de pirate. Du coup, je sais pas comment on dit en français. Moi non. Je me souviens plus. Mais du coup, ce fameux bandeau. Et on a pas mal émis des hypothèses sur la présence, la signification de la présence de ce bandeau. Il y avait des gens qui disaient que Galliano était surnommé le pirate, et donc pour ça tout le monde, tous les membres de l'armée zapatiste se couvraient un œil, l'œil droit. D'autres disaient que l'œil gauche restait à l'air libre, parce que les zapatistes sont de tendance de gauche. En bas à gauche, comme le cœur, pardon. Et bon, voilà, du coup, il y avait beaucoup de symboles qu'on n'a pas tous résolus, et bon, il y a eu une conférence de presse qui n'en était pas vraiment une. Du coup, on n'a pas vraiment eu envie de poser des questions. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je pensais que j'allais poser des questions, parce que j'avais des tas de questions. Et en fait, le moment m'a paru vraiment pas adéquat. Du coup. Oui, pas adéquat. Et de toute façon, il n'était pas ouvert à la participation, parce que bon, c'était l'adieu du personnage du sous-commandant insurgé Marcos. Et donc, c'était juste. C'était pas vraiment une conférence de presse, c'était surtout une. Le communiqué est là. Final. Le communiqué final, et sur ça, vous allez rester. Parce que du coup, ouais. On peut passer la chanson. La chanson sur laquelle Marcos est arrivé. Sur son cheval, voilà. Avec sa pipe. Évidemment. Où on était tous un peu. Enfin, personne ne savait en fait s'il allait être là, s'il allait pas être là, parce qu'il y avait plein de rumeurs qui disaient qu'il était peut-être mort. Ou en tout cas, il était très malade, qu'il avait un cancer. Les zapatistes eux-mêmes avaient joué un peu avec ça dans leur communiqué, et avaient dit bon, voilà, si la santé du sous-commandant insurgé Marcos le permet, il sera peut-être là. Mais bon, c'est pas sûr. Du coup, voilà, c'était un peu le gros doute. Personne ne savait vraiment. Et finalement, est arrivé le sous-commandant insurgé Marcos sur cette chanson. C'est parti. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bon, du coup, oui, on a passé une journée et demie là-bas, où on a été reçus assez bien, en fait, parce que à propos de, du coup, avec les problèmes qu'ont eu les apatistes face aux médias de masse, en fait tout le monde a des problèmes face aux médias de masse, mais les apatistes aussi, du coup, et du coup le fait d'appartenir plus ou moins à des médias libres, je crois en fait qu'ils nous l'ont dit, qu'ils comptaient un peu sur nous pour relayer leurs paroles. Du coup, on essaye de le faire le mieux possible. Et on compte sur vous tous pour nous aider, d'ailleurs. Parce que un peu la logique des médias libres aussi, ici, c'est, c'est que c'est libre, justement. Et c'est que tout le monde peut être un média libre et tout le monde peut publier ce qu'il a envie de publier, que ce soit sur Facebook ou en envoyant des lettres ou en envoyant des messages à ses amis. Enfin, ça fait partie des médias libres. Donc on vous encourage à diffuser l'info. Il y a une page internet qui a publié quelques petites choses qui s'appelle Espoir Chiapas. Donc vous pouvez trouver la traduction de communiqués et d'articles qui ont été écrits ici. Et quelques photos aussi de l'hommage pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce qu'on est en train de vous raconter, parce que c'est pas forcément évident d'imaginer tout ce qu'on est en train de vous dire, mais avec ces photos, ça vous donnera une idée de pourquoi, de ce qu'on a pu ressentir un peu ce jour-là. Du coup, voilà, on vous a mis la chanson sur laquelle est arrivé le commandant insurgé Marcos. Du coup, ça a été un moment où il était avec les autres commandants à cheval, et c'était assez... C'était très visuel, très beau visuellement, c'était, je sais pas comment dire. C'est un peu dur, c'est un peu dur d'expliquer. Je sais pas, impressionnant, c'est peut-être ça le mot. Ouais, très impressionnant, ils ont fait une espèce de danse avec les chevaux. Un salut militaire, je sais pas comment on peut dire. Une chorégraphie militaire, je sais pas trop comment on peut dire, mais du coup, c'était très dans le symbolique. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, le sous-commandant insurgé Marcos avait aussi cette espèce de bandeau de pirates, mais pour le coup, avec la tête de mort sur le bandeau. Mmh. Et donc il est arrivé, il a fait un peu son show avec sa pipe et et il a ensuite fait lancer un gros fuck. Ah oui, c'est vrai. On a d'ailleurs une très belle photo, faudra qu'elle circule. Oui, bah ça va être un peu difficile de vous la montrer par la radio. Mais... non, pas aujourd'hui, mais du coup, ouais, on suppose que c'était adressé au gouvernement ou aux paramilitaires ou aux deux ou aux fascistes du monde entier ou on sait pas trop à qui, mais on imagine assez bien. On espère que c'était pas pour nous, quoi. De la alors. Musique, parce qu'on parle trop. 106.3 FPP, donc c'était le programme de Que Huelga, une radio libre donc du Mexique, un petit extrait de leur programme. On avait envie en fait de nous aussi marquer le coup pour que les gens comprennent bien aussi ici que les apatistes sont en train de toujours avancer, donc de se défaire de ce personnage pour que tout le monde comprenne bien que le sous-commandant Marcos, c'est pas lui les apatistes. Donc il faut que les gens regardent bien partout sur ce qui se passe partout autour d'eux et donc ils regardent les communautés puis qu'ils regardent aussi peut-être tant qu'à faire ici aussi là où on est ici là-bas le de ici de là-bas un peu comme raconte le conte savoir un peu regarder aussi là c'est un peu ce que racontent les contes c'est un peu c'est le sous-commandant Marcos qui les écrit mais ça correspond aussi à la vision des indigènes traduit aussi avec quelqu'un qui a encore un mental lié à notre culture occidentale si on peut dire pour faire court mais donc du coup voilà le personnage du sous-commandant Marcos aujourd'hui donc c'est fini et c'est aujourd'hui le sous-commandant Galeano donc il y avait déjà le sous-commandant Moïsès qui était apparu qui était un commandant mais qui a aussi donc maintenant le titre de sous-commandant Moïsès et donc il y a le sous-commandant Galeano maintenant pour qu'on n'oublie jamais justement ce qui s'est passé et ce que ça peut vouloir dire aussi le fait de pouvoir interchanger et que derrière les masques et les noms l'important c'est aussi tout ce qui est porté toutes ces luttes qui sont portées et on avait aussi envie de faire un lien avec toute cette question des médias libres le fait de pouvoir sachant qu'il y a plein d'espaces qui se réduisent des territoires physiques il y a aussi des espaces qu'on peut partager justement via les différentes radios et donc il y a beaucoup de radios au Mexique et notamment Radio Totopo qui est une radio qui elle aussi a connu des déboires et qui a perdu son émetteur. Il y a eu toute une campagne qui a été lancée pour justement la soutenir. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et c'est aussi en lien avec ce qui se passe de manière plus globale au niveau des politiques de gouvernement, des grands projets. Et donc justement de ce qui se passe dans l'ISM avec des projets éoliens, on a également eu l'occasion d'en parler, mais il faut toujours continuer à en parler et savoir que ça avance aussi, qu'il se passe des choses. Et donc on va parler de justement avec Radio Zinzine, en fait c'est un programme qui a été diffusé là très récemment, il y a quelques jours, avec des personnes qui ont eu l'occasion de rencontrer des gens dans l'ISM et certains en revenaient depuis peu. Et donc voilà, du coup, on vous laisse écouter. Et donc, c'est la jungle des luttes via Radio Zinzine. On passe un petit morceau de musique, il me semble quand même un petit peu avant, de manière à digérer tout ce qu'on vient d'entendre et être prêt à passer à autre chose, même si c'est toujours la même chose, toujours les mêmes ennemis. On y va, musique. La gente se une, la gente despierta, la gente que no está conforme se manifiesta. Es la protesta, la voz que el pueblo alzó, porque más injusticias ya no aguantó. Porque cuando el pueblo se organiza, salen las cosas como una tormenta que se compone de gotas. Cada pieza en un rompecabezas necesita de otra, cada parte en un navío, si las otras no flotan. No hay peor derrota que la de aquel que no intenta, de aquel que poco actúa, pero mucho se queja. De los que solo hablan de dientes para afuera, aunque afortunadamente unos sí tienen conciencia. El pueblo espera que los malos se vayan, que exista justicia y no solo palabras. Para que sepan la gente está preparada y si no hay un cambio real volverán las barricadas. Thank you. On écoutait le son raro de chaud du groupe de... Donc là, on va écouter ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les copains qui vont nous parler de ce qui se passe dans l'ISM et de Radio Totopo et de la solidarité, de la lutte. Et donc, Oaxaca, l'ISM de Tehuantepec, Oaxaca, Mexique. Raíces, de la ville de Oaxaca. Et là, il y a eu plusieurs chansons, mais la dernière qu'on a déjà entendu pas mal, qui s'appelle Son de la Barricada, qui a été écrite pendant le début du ou pendant le mouvement social de la commune de Oaxaca en 2006. Et là, on rentre en plein cœur de la lutte. En plus, on n'a pas fait trop gaffe à l'heure qui tourne. Du coup, pour dire premièrement qu'il y a aussi, il y a d'abord un documentaire qui est téléchargeable sur internet et puis qui tourne en DVD à droite à gauche, qui s'appelle Somos Viento, qui illustre l'un de ces conflits contre une énorme multinationale, un projet $1 milliard qui s'appelle Marinha Renovables, avec Mitsubishi, beaucoup d'investisseurs. Et moi, je vais décrire plus là un autre conflit qui a commencé, qui a explosé du coup début 2013, qui concerne spécialement les gens de Radio Totopo, qui est celui contre la multinationale espagnole Union Fenosa Gas Natural, là pareil, un parc de 130 éoliennes qui est en train de se construire, qui s'appelle Biosho. En langue indienne, ouais, ils appellent leur parc avec des noms de langue indienne, mais ils se trompent souvent sur les significations. Et du coup, voilà, moi j'ai vu un peu pas les prémices de ce conflit, parce que c'était justement ce que tu disais au départ, des petits propriétaires qui s'étaient fait entuber par la firme espagnole, et donc qui avaient ensuite, quand ils avaient compris qu'ils s'étaient fait entuber, ils avaient fait appel auprès des juridictions en 2008, et donc ils avaient réussi à obtenir l'annulation de ce projet là qui était sur le sud de Ruchitán, donc dans le quartier qui dépend du quartier des pêcheurs, où il y a pas mal de terres de bétail, il y a un peu de, c'est juste à côté de la lagune, donc il y a de la pêche, et puis il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers, des mangues, etc., hein, tout ça. Et donc où toute la partie sud de la ville, en fait, elles ont des terres là-bas, et donc ils partent le matin au champ, et puis ils reviennent en général, par exemple avec le lait qui est le lait des vaches, pour le transformer en fromage qu'ils vont vendre directement à la ville, etc. Cette partie qui est très agricole, c'est vraiment la partie agricole de la ville de Ruchitán, c'est en lisière. Et donc là, c'est un projet de 2000 hectares de terre, et qui se trouve dans toute la zone aussi où il y a des sites cérémoniels zapothèques, qui avec des pérégrinations chaque année, qui doivent passer par là. Et donc donc en 2012, le projet il revient, et là les pêcheurs du coin, les paysans de la 7e section, ils commencent de Ruchitán, ils commencent à s'en inquiéter. Et dans cette 7e section, il y a une radio qui a été créée en 2006, justement pour informer les gens sur les conséquences du plan Puebla-Panama en langue indienne et tout. Une radio qui était tenue par des jeunes zapothèques, qui s'appelle Radio Totopo. Et donc, cette radio-là, qui faisait déjà de l'information sur les contrats, qui traduisait les contrats en zapothèque pour montrer aux gens, elle devient le lieu de réunion des pêcheurs et des gens de la 7e section qui décident début 2013 d'occuper les routes, la route qui doit être prise par tous les engins de construction pour construire ce parc. Et donc il y a une barricade qui se forme et donc qui est tenue jour et nuit par des pêcheurs, des gens pour essayer d'empêcher la compagnie. Et et voilà, ça c'est typique des conflits qu'il peut y avoir avec les sociétés éoliennes dans le coin, où les gens, du coup, vu que le parti de gauche qui s'appelle la COSEI les a trahis, décident assez vite de créer leur structure à eux, leur assemblée, du coup là qui s'appelle dans ce coin-là l'assemblée populaire du peuple Ruchitec, et donc qui se réunissent pour décider des suites à donner de la lutte. Et voilà, et du coup, au bout d'un mois de blocage et de blocage des engins, bah, notamment un engin d'EDF, différents engins qui étaient bloqués, la police de Waraka intervient, des centaines de flics chargent la barricade. Mais bah, la radio, Radio Totopo, permet d'informer toute la population très vite de la situation. Et en fait, toute la population de tous ces quartiers populaires descendent et mettent une raclée aux flics qui sont obligés de s'enfuir en courant. Et donc, qui a été une victoire à ce moment-là, sauf que bah, l'État, s'apercevant de l'importance que pouvait avoir une radio à ce moment-là dans la mobilisation des gens, bah, décide de la saboter. Donc, il y a un commando de nuit qui procède à la coupure des câbles électriques et qui embarque tout le matériel de la radio, table de mixage, émetteur. Ça c'était en mars 2013, le 26 mars 2013, et donc voilà, depuis cette radio se retrouve sans son équipement. Il y a un petit équipement qui a été prêté par une autre radio du coin. Mais voilà, c'est un peu les dynamiques qu'il y a dans le coin, où l'un des principaux objectifs, vu que tous les médias commerciaux sont payés par les éoliennes et les politiques, a été de créer tout un réseau de radios associatives, de médias pour pouvoir diffuser, et de l'autre côté, bah, le pouvoir pour empêcher l'organisation des gens. Le premier axe, bah, c'est d'empêcher que ces radios populaires puissent exister, même si elles ont le soutien de toute la population. Donc on se trouve un peu dans cette problématique avec Radio Totopo. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a une campagne de solidarité pour faire en sorte que Radio Totopo retrouve les moyens d'émettre dans de bonnes conditions qui existent actuellement. Voilà, donc pour peut-être décrire, ou je ne sais pas si on a le... Bah, tant qu'est-ce que c'est vraiment une radio, c'est vraiment des réseaux de radio associatives ancrées dans leur quartier. C'est pas du tout les radios comme on imagine peut-être chez nous, à part Radio Zinzine, mais ça c'est encore plus petit que Radio Zinzine, quoi. Mais comment les Radio Zinzine est très grand, mais oui, pour... Donc, tu veux dire quelque chose? Bah oui, pour expliquer un peu, cette radio, elle est, je sais plus si tu l'as dit, elle a commencé en 2006. Elle est très proche, elle est adhérente à la sexta déclaration, de la sixième déclaration zapatiste. Donc voilà, elle est assez politiquement proche des zapatistes. Mais comme tu disais, c'est un outil qui est vraiment utilisé par les gens. Bon, ils appellent radio communautaire. Certaines qui émettent avec un permis du gouvernement, d'autres pas. Celle-là, elle l'a pas. Donc après, c'est vrai que tu te mets en lutte et en affront directement sur le gouvernement. Et là, ce qui se passe, je pense que c'est vraiment l'appropriation des gens, où ils l'ont utilisé, et ils l'utilisent toujours pour, parce qu'elle a remis après même l'intervention que tu disais, et le sabotage qu'il y a eu, pour parler de la lutte directement des gens, que ça soit la lutte contre les méga projets d'éoliennes. Il y a eu une lutte aussi pour la reconnaissance des mototaxis dans la ville. Voilà, elle est ouverte et les gens se l'approprient. Et en plus d'être un média d'information libre de base, comme on les connaît, c'est vraiment un vecteur social et de commun entre les gens. C'est-à-dire vraiment la base des objectifs qu'ils mettent dans la radio, c'est la défense de la terre et du territoire, mais la réorganisation des habitants et la fortification de la langue ou des langues maternelles, où l'émission de Radio Totopo, elle est quasiment à 100% en langue zapothèque, si je ne me trompe pas, zapothèque, sauf s'il y a des invités et qui font une langue commune, et là l'espagnol est parlé, mais... Et voilà, elle les met très tôt le matin, parce que lié aussi à la vie, le travail des habitants là-bas, où les pêcheurs se lèvent très tôt. Donc ça a même été 3-4 heures, mais en tout cas, là, dernièrement, quand elle les mettait encore au mois de mai, ou à 6 heures, l'émission. La transmission est commencée en direct, et voilà, avec une alternance musique et de programme, et en plus de l'émission, puis de l'outil. de vecteur communautaire, c'est vraiment aussi l'espace de la radio vu comme un espace de rencontre communautaire où les gens se retrouvent le soir, où il y a un espace de réunion, de petite bibliothèque de peinture, et elle est financée aussi et comment tenue par les gens, quoi. Où c'est des contributions volontaires des personnes qui permettent de payer les charges et les loyers. Il y a des peintres assez reconnus qui donnent leurs tableaux pour qu'elles soient vendues au profit de la radio, pour que la radio puisse tourner. Donc il y a vraiment un ancrage, commun, quoi. Même si tout le monde la défende pas, mais... Ouais, et puis même si dans les derniers temps aussi, bah du coup c'est cette répression et ce conflit là que il y a eu beaucoup de répression, d'ordres d'arrestation, de menaces de mort, notamment parce que l'une des personnes qui soutient ce projet Olien, c'est un grand mafieux local avec toute une série de tueurs à gages à ses ordres, connus à Rouchitane. Du coup, voilà, c'est des espaces qui se retrouvent extrêmement fragilisés aussi du fait que parler à la radio, c'est forcément être un peu public et du coup risquer beaucoup plus facilement, être une cible beaucoup plus facile aussi dans la répression. Donc c'est quelque chose un peu difficile. C'est aussi pour ça qu'il y a eu pas mal d'appels aussi pour des mobilisations pour la protection de la vie des... le relais des menaces de mort, etc., contre tous les locuteurs des radios de l'ISM, mais aussi au Mexique de manière générale. Ouais, des menaces de mort que une des personnes disait que ça a été à un moment, justement courant 2013, où c'était quotidien, quoi, des appels, tout ça. Donc c'est quand même une fraude. En plus, après les mandats d'arrêt qui peuvent être posés, et puis là, une personne aussi impliquée dans la radio et dans l'assemblée populaire du peuple de Cuchitane, qui disait que il y a des gens contractés par le gouvernement, les sicarios, je crois qu'ils les appellent, les sicaires, merci pour un peu visibiliser les gens, quoi. Et une femme, une locatrice, qui disait qu'un climat de terreur sur elle, parce que du coup où là c'est visibilisation de sa famille avec apport de jouets pour les enfants, pour un peu les mettre en confiance et tout, mais après pour les visibiliser si jamais il y a une attaque de séquestration de ces personnes ou des enfants et tout. C'est une autre. Donc il y a vraiment une pression importante des personnes qui voient comme leader, même s'il n'y en a pas, qui tiennent la radio, qui est vraiment aussi pour les gens l'outil communautaire fondamental pour la lutte, quoi. Et que après, en contre-pouvoir, il y a des gens. Cet outil de radio communautaire, il est un peu large et on pourra pas le parler de tout ça pendant cette émission, mais que après il y a une vingtaine de radios qui se disent communautaires sur Cuchitane, mais qui après sont aussi des radios formatées pour faire le contre-pouvoir de la contre-information de ce radio qui est prise par les gens. Juste pour finir, ouais, cette radio a émis en tout cas sur la zone FM, pas sur Internet, mais à une large, je ne sais pas jusqu'à combien de kilomètres c'était, mais... Avant c'était une vingtaine de kilomètres, aujourd'hui c'est 500 mètres, parce qu'ils ont un émetteur qui est tout petit. Mais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... En tout cas, il y a un grand mouvement de réappropriation des radios, pas qu'à Rouchitane, mais dans différents villages des environs, et les gens se passent les émissions, etc. Il y a, de manière générale, dans tout Waraka, hein, il y a beaucoup de ces radios et tout qui sont faites. C'est aussi pour ça que ça nous intéresse, tout ce mouvement de radio associatif. Ouais, depuis déjà 10 ou 15 ans, et qui a été renforcé par le mouvement social de 2006, où là, la réappropriation des radios, télé et des médias a été hyper fort, quoi. Mais même si ça existait déjà dans les villages et qu'on les connaît mieux maintenant, mais voilà. Mais pour terminer là-dessus, vu que tu disais tout à l'heure, Cédric, il y a vraiment une campagne de collecte de fonds pour pouvoir refinancer l'achat d'un émetteur, d'une antenne, et tout ça qui s'élève un peu en gros à 100 000 pesos, qui, cours de pesos, correspond à peu près... 6 000 euros, ouais. Et que ouais, eux, ils essaient de financer avec des fêtes de soutien, avec pareil, des gens qui jouent de manière communautaire gratuitement pour récolter de l'argent, mais où la diffusion du film dont parlait Thomas, Somos Bientôt, Nous Sommes Le Vent, permet aussi de, et les différentes fêtes, soirées de, d'information et de soutien qui peuvent se faire en France et ailleurs pour pouvoir accompagner cette campagne de solidarité et de dons pour que ce projet de radio communautaire Radio Totopo continue. Bien, bah, on va vous quitter. Enfin. Merci d'être venu. Et Thomas, Annette, Yann, et puis bah, à la prochaine. Et ben ouais, à bientôt. C'était donc la radio Zinzine. Si vous voulez retrouver l'intégralité de ce programme, c'était le programme Somos Vientos Radio Zinzine. Là, ça a été un programme qui a été fait récemment. Donc, si vous voulez réécouter l'intégralité, si vous voulez de l'information et que vous êtes sur Paris, vous pouvez rencontrer le CSPCL tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles, métro Avron, dans le 20e. Donc, c'est une assemblée ouverte et vous pouvez venir pour de l'information ou pour participer aux activités qu'on organise, comme hier, un concert qu'on a fait au CICP, où il y a des... l'occasion de se rencontrer, discuter, d'avoir aussi les moyens de récolter des fonds pour envoyer aux communautés ou de soutenir d'autres projets selon la nécessité, selon les rencontres. Donc on a déjà eu l'occasion justement de vous parler de ce DVD là, Somos Vientos. Donc vous pouvez aussi vous le procurer via le CSPCL. Et donc on a aussi un site cspcl.ovaton.org. Et donc pour la dernière partie de l'émission, normalement, on a justement Annette qui a participé au programme qu'on vient d'écouter, enfin qui passe sur cette partie-là justement, mais donc on va lui laisser parler de plutôt eux ce qu'ils ont fait un groupe de copains sur cet été. Ils ont parcouru, ils ont traversé le sud de la France à la rencontre de gens en lutte, et on la laisse en lutte ou en tous les cas. Qui essaye de vivre autrement, de façon autonome, et de créer des beaux projets. Donc on la laisse nous appeler, on fait une petite pause musicale et on se retrouve. Vous êtes toujours sur FPP 106.3, la jungle des luttes. RFPP 106.3, c'est la jungle des luttes, donc le programme du CSPCL. On est ensemble encore une vingtaine de minutes. Et donc, on est en ligne avec Annette. Bonsoir, Annette. Bonsoir, Virginie. Merci de nous appeler. Donc, Annette, on se connaît plus via les apatistes, évidemment. Donc, on s'est rencontrés surtout au Chiapas. Par contre, tu habites à Marseille, et donc justement on donnera l'occasion de parler de ce que vous faites à Marseille, de ce qui se passe à Marseille. On n'a pas souvent l'occasion d'en parler, et donc c'est quand même bien de pouvoir justement trouver quelqu'un qui nous en parle depuis là où il est. Et justement, par contre, on est tous, nous, un peu curieux souvent de ce qui se passe ailleurs, d'aller à la rencontre des uns des autres. Et je crois qu'il y a donc un groupe de copains, j'en avais entendu parler justement quand on était au Chiapas cet hiver. Vous aviez l'idée d'aller rendre visite à des copains, à des projets, à des gens qui luttent. Raconte-moi comment ça vous est venu, cette idée, ce que vous avez fait, comment... Oui, donc tu parles de la tournée dans le sud-ouest. Voilà, votre... tour du Chiapas. Bon, donc... en fait, on était quelques-uns qui se connaissaient déjà pour avoir fait plusieurs projets ensemble et partager les mêmes idées, les mêmes projets avec les communautés zapatistes du Chiapas. Et donc, on s'est retrouvés durant cet hiver, décembre-janvier, à l'appel des zapatistes pour participer à la petite école qu'ils avaient organisée, que tu connais. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé. On en a parlé, oui, à plusieurs reprises, effectivement. Oui. Je pense que... On doit être au courant. Donc, on s'était retrouvés donc, dans cette région-là pour participer à la petite école. À San Cristobal, on a fait la connaissance de Maya, qui est donc une Française qui vit dans le Massif central. Le Massif central, dans le Vercors, ah, oui. Non. Eh ben, ça, c'est bien grave. C'est même pas le Vercors. Dans le Morvan. Dans le Morvan. En plus, c'est ma région. Donc, bon. Et elle, c'était son premier contact avec les zapatistes, avec les idées zapatistes. Et donc, pour elle, la petite école avait été révélatrice d'énormément de choses. Et donc, à son retour en France, elle nous a recontactés pour nous demander si on était prêts à organiser quelque chose. On ne savait pas trop quoi encore. Autour de ces idées zapatistes, de la petite école, la liberté selon les zapatistes, et a germé l'idée de faire une tournée dans le sud-ouest en particulier, parce qu'elle était plus proche de cette région, on connaissait pas mal de gens, et nous-mêmes, on en connaissait aussi. Et donc est née l'idée de faire une tournée pour aller à la rencontre des luttes qui se mènent aussi ici, essayer de faire des ponts entre nous d'abord, et puis aussi faire les ponts avec les zapatistes. Donc ça a été une tournée sur une dizaine de jours, assez intense, parce qu'on changeait de lieu pratiquement tous les jours. Mais... À la zapatiste, intense. Tout à fait, à la zapatiste, et par contre extrêmement enrichissante. On a, personnellement, j'ai été absolument... stupéfaite, ravie de voir qu'il y avait énormément d'alternatives, un foisonnement de tentatives, d'essais, de vivre autrement, de vivre ensemble, collectivement, avec plein d'idées. Et donc, ce tour nous a mené de la vallée de Saint-Privat-de-Vallon, qui est une vallée qui relie Alès à Florac. Donc on s'est arrêté dans un premier temps et là, dans ce coin-là, où un ami s'est installé il y a un an à peu près et qui est en train de prendre contact justement avec ce qui se fait dans la région. Donc c'était notre première étape, un petit peu hésitante, un petit peu chaotique. Puis ensuite on a rejoint Saint-Victor et Melvieux sur le plateau d'Écosse. Et là, en fait, on était en contact avec des gens qui ont lutté et qui luttent encore contre l'installation d'éoliennes industrielles et surtout contre un transformateur. Et là, si tu veux, on a fait le lien immédiat avec la lutte contre le parc éolien dans l'isthme de Tehuantepec. Donc justement, avant que tu appelles, on a justement passé une partie de votre programme de radio, justement. Ah. Donc les gens, justement, visualisent normalement très bien ça. Ouais. D'accord. Et donc là, ce qui était assez sympathique, c'est que donc on a passé le film Somos Viento, et qui parle donc de cette lutte et des communautés et des gens qui ont un discours absolument clair sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, la lutte qui est nécessaire pour obtenir ce qu'on veut, et malgré les dangers, malgré les menaces. Et donc, ce qui a fait tilt très vite chez les gens de Saint-Victor et Melvieux, c'est en fait cette manière de procéder des instances officielles, que ce soit les caciques au Mexique ou nos maires ici, cette façon de faire les choses dans le dos, de préparer les projets, d'amener des projets tout ficelés, de ne pas prévenir les gens concernés, de prendre des décisions sans aucune concertation. Ils ont été extrêmement sensibles à ça, pour dire qu'en fait ça se passe de la même manière en France, en tout cas dans ces projets un peu gigantesques, qui sont décidés dans des structures et par des gens qui n'ont aucune idée du terrain et surtout qui ont une vision très, on va dire, hein, dictatoriale, c'est-à-dire on impose et on ne discute pas et on ne cherche pas l'intérêt des gens, mais on cherche son propre intérêt et ses alliances politiques. Et donc ça a été un bon moment de la soirée. Donc nous en sommes partis de ce lieu après un orage absolument extraordinaire. Et on a rejoint à Marcillac en Vallon le lendemain donc un bar associatif qui chaque dimanche fait un repas et organise soit une conférence, soit une projection, soit un débat autour d'un thème particulier. Donc là, on a fait on a projeté, je ne sais plus le nom, mais c'était sur les arts. Comment tu dois connaître le nom, toi, Virginie, ce petit film de Promedios sur comment faire les muraux. Oui, justement, il est dans la compile de vidéo graffita. Voilà, oui. Ouais. J'ai un trou de... On va justement le projeter, là, samedi, le jour de la distribution café, on va le projeter. Sur la manière dont on invite les gens à venir faire... Enfin, comment les apatistes invitent leur propre communauté à venir faire les choses, à s'emparer des choses, des projets, et les mener à bien, malgré les hésitations, malgré l'impression qu'on n'y arrivera pas. Donc... Je ne vais pas déflorer le film, je vais vous laisser découvrir. Et ça, c'était assez aussi intéressant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions sur l'organisation zapatiste, sur l'armée zapatiste, où ils en étaient, est-ce qu'ils étaient toujours armés, etc., etc. Donc, aussi un bon moment. Et puis, les gens de ce lieu, de ce bar associatif, vivent aussi collectivement dans une ferme. Donc là, on a un petit texte qui va paraître sur comment ils s'organisent, quels sont leurs projets, mais toujours cet esprit collectif. Essayer de faire les choses ensemble, essayer de décider ensemble, de mener à bien les projets ensemble. Et ça, c'est ce qui nous a suivis tout le long de cette tournée, ce qui prouve quand même que les gens sont avides d'autres choses, sont avides d'un autre monde, d'un autre mode de fonctionnement. Et finalement, ça fait plaisir de voir que là aussi, ici... Il y a des choses qui se passent. Ouais. Donc on a continué. Millau, il y avait à Millau, c'était une librairie qui nous accueillait parce que le livre de Guillaume Rovira, Femme zapatiste, avait été traduit en... Femme de maïs, non ? Femme de maïs, pardon. Et donc là, il y a eu une discussion autour de ce livre, autour des lois révolutionnaires des femmes, de l'organisation des femmes, des progrès qui avaient été faits dans les communautés zapatistes pour donner leur place tout entière à ces femmes qui luttent quotidiennement, du matin au soir, et face également à la police, à l'armée, etc. Et puis, nous sommes allés rejoindre Jean-Pierre à La Fontier. J'ai dû en entendre parler de La Fontier. Bah oui, ah, mais on n'en a jamais parlé sur les ondes, par contre. Jamais sur les ondes. Donc, c'est un lieu... Ce sont des gens de... Enfin, Jean-Pierre est un membre d'un, un ex-comité de solidarité avec les apatistes. Et il a décidé avec ses autres amis de mettre en place ici justement une sorte de communauté libre, autonome, visant l'autogestion et visant aussi l'ouverture sur ce qui se passe autour. Donc ils ont, de manière collective, par une société dans laquelle on peut acheter des parts, ils ont acheté un corps de ferme avec 40 hectares de terrain. Et ils expérimentent tous les jours le vivre ensemble et le se projeter ensemble, toujours. Et donc, eux ne sont pas très loin non plus de la zone du Testé, qui à ce moment-là était en pleine lutte de gens, parce qu'ils avaient réussi à obtenir une sorte d'arrêté, comme quoi les travaux ne commenceraient pas avant septembre. Donc, il y avait eu un peu une redescente de la lutte qui malheureusement, comme on le voit là en ce moment, les flics, la police et avec la complicité des officiels ont repris le massacre des arbres, des gens, etc. Donc ça. Voilà, et puis nous avons terminé à Saint-Giron, en Ariège, où là nous avons rencontré également des gens qui autrement, par exemple sur la place du marché, au moment du marché, il y a un espace non marchand qui se monte donc chaque semaine, une fois par mois, pardon, avec le partenariat avec les paysans du marché. Ils vont chercher des légumes, ils font un repas gratuit et c'est le moment d'échange avec les gens de la ville et aussi un échange de livres et de vêtements, donc tout ça dans une forme de troc et d'échange. Et ensuite, nous avons été accueillis par un lieu occupé qui s'appelle le Palmier, qui est une dépendance d'une ancienne usine de papeterie. Et donc là, ils nous ont expliqué ce qu'ils y faisaient, les projections, les débats, les rencontres des luttes, le groupe de femmes, l'info-kiosque aussi, qui a son local là-bas. Et puis, il y a quelques habitants aussi qui vivent sur place. Et là, on a fait connaissance avec les membres de En Avant Camarades, qui est une association qui lutte contre l'implantation d'éoliennes dans ce village qui s'appelle Camarades. Et pareil, donc ça a été un échange extrêmement riche, intéressant et instructif de part et d'autre. Et donc le projet de cette tournée, c'était aller à la rencontre de toutes ces expériences, de toutes ces initiatives, et aussi donc raconter la petite école, raconter l'expérience zapatiste. Et donc c'était une manière donc de diffuser aussi les luttes qui se mènent là-bas au Mexique. Voilà. Un beau projet. On a terminé dans un petit hameau, Laborie, où nous avons rencontré Marc Bosson, qui est un grand lutteur contre le puçage des moutons, qui nous a expliqué les aberrations technocratiques et bureaucratiques de nos administrations qui vont même jusqu'à conseiller de tricher à des agriculteurs qui pourraient s'en sortir avec la terre qu'ils ont, mais comme il faut grossir les surfaces pour obtenir les autorisations, ben on leur conseille de faire de fausses déclarations. Donc une aberration de notre système dans toute sa splendeur, oui. Par des professionnels, par des gens de métier, des gens simples qui veulent vivre décemment de leur travail sans chercher à faire plus, à gagner plus. Et à tout détruire au passage. Et tout détruire au passage, comme tu dis. C'était en tous les cas un superbe projet. Je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de vous rattraper à un quelconque endroit, mais on espère en tous les cas pouvoir avoir l'occasion justement d'organiser d'autres rencontres comme ça. Comme il faut prendre un petit peu de temps, il faut un peu l'organiser. Mais c'est un petit peu de manière spontanée. On a pris conscience aussi de nos limites d'organisation. Je pense que ça aurait mérité un peu plus de préparation, effectivement. Mais bon. Oui, mais c'est bien de se lancer. Il faut faire les choses aussi en même temps. Quand on veut trop préparer, ça rend la chose peut-être trop formelle aussi. Et moi, je pense que c'est important aussi de se rencontrer en toute presque informalité, mais se donner les moyens d'eux, puisque comme quand on va sur des grands lieux de lutte, là où tout le monde va, mmh. après il y a plein de petites luttes qui... C'est ça, c'est, voilà, c'est pour ça que du coup, c'était bien aussi d'y aller sans grande pompe non plus, de manière à ce que ce soit des rencontres aussi, comme si ça faisait un peu partie de notre quotidien aussi. Hein, que c'était, y avait, ça faudrait que ce soit notre quotidien, en fait, qu'on réussisse à vraiment passer des uns aux autres pour pouvoir s'enrichir au passage. Et justement, par... Vous voulez parler aussi de Vaour. Vaour, c'est quand même des lieux très, très chouettes avec... entre autres une ferme, qui la ferme de Martre, qui vit aussi sous forme collective, c'est des éleveurs de moutons. Et il y avait des jeunes du Nord, je ne sais plus exactement d'où, qui étaient venus s'installer comme ça, là, dans le coin, en se disant, bon, ben, on va s'installer là, puis on verra bien qu'est-ce qu'on trouve. Et qui, avec la même surprise que moi, se sont rendus compte qu'il y avait une foison d'expériences tout autour d'eux, et qu'ils n'arrêtaient pas de rencontrer des gens qui, voilà, qui faisaient des choses. Et Vaour, qui est un village aussi, où les gens essayent de le faire vivre ensemble, pas chacun chez soi, dans son coin. Mais voilà, donc c'est belle tournée. Et quand tu disais que justement, il y a un texte qui allait bientôt paraître, ça veut dire que les gens peuvent éventuellement regarder quelque chose quelque part ou... Pas pour l'instant encore, parce qu'on est en train de faire nos comptes rendus de rencontres. On se met au point les uns les autres avec les corrections éventuelles qu'on peut amener. Mais le projet, et puis il faut aussi, avant de le publier, l'envoyer aux personnes qui nous ont accueillis, entre autres aussi à Toulouse, un quartier d'habitation collective, de construction, habitation et ouverture sur le quartier collective, très intéressant. Et donc, voilà. On aura l'occasion de t'inviter pour que tu nous racontes quand ça publie. Des comptes rendus qu'on a fait pour éventuellement corriger peut-être des choses ou préciser d'autres qui ont été mal comprises, on verra. Et le projet, effectivement, c'est d'en sortir soit sous forme de brochure, soit sous une forme quelconque. Ça pourrait être diffusé en tous les cas. Voilà, qui sera ensuite diffusé. Et aussi avec le projet, puisque le Festival des Résistances s'organise en décembre au Mexique, avec le projet, si c'est bouclé, de l'apporter comme témoignage de nos luttes. Du travail fait ici. Bon, bah, en tous les cas, merci beaucoup, Annette. Je suis désolée, on va pas avoir le temps de parler de Marseille, mais c'est tant mieux, comme ça on aura le temps d'en parler peut-être plus longuement. Oui, mais en plus, on avait envie de parler peut-être plus longuement, justement, de tout ce qui se passait. Alors, justement, plutôt que de faire vite, on le fera mieux une autre fois. Voilà, d'accord, mais quand même, pour les Parisiens qui, par hasard, seraient à Marseille le 27 septembre, au Molotov, nous organisons un concert de solidarité et de soutien aux apatistes, avec le groupe musical Zoc. Et donc, ben voilà, s'ils sont à Marseille à ce moment-là, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir. Donc le 27 septembre au Molotov. En soirée. Paul Cézanne. Ben, merci beaucoup, Annette, et très bientôt. Merci. Merci à l'équipe. À bientôt, au revoir. À bientôt. Et donc, ben, on va continuer et puis très vite fait, juste pour se quitter en fait, surtout. Et donc, on vous donne rendez-vous donc le mois prochain, le troisième lundi du mois en direct, donc de 19h à 20h30, le blog Jungle des Luttes si vous retrouvez le programme et les anciens. Et sinon, le mercredi soir à 20h30 au 33 rue des Vignoles, le CSPCL a son assemblée ouverte, donc vous êtes invités. Et à venir quand vous voulez, prendre de l'info, partager vos infos pour qu'on fasse des choses ensemble. Et on vous donne également rendez-vous samedi prochain au CICP 21 Terre, rue Voltaire, de 14h à 20h. C'est notre journée distribution café, c'est-à-dire pour les gens qui auraient déjà précommandé, puisqu'on fonctionne pas avec une petite boutique, mais avec plutôt un système d'achat groupé, si on peut dire. Donc voilà, il y a une journée distribution café. Par contre, vous pouvez en acheter même si vous n'avez pas commandé. Il y aura également de l'artisanat et donc des projections de films aussi, surtout. Donc on vous quitte et on se retrouve, j'espère, très vite, bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Greg pour la technique.